98 ans ont passé depuis le 1er mars 1919, enregistré dans l'histoire comme le jour ensanglanté où les impérialistes japonais ont massacré et réprimé brutalement les Coréens. À cette occasion, le porte-parole du comité coréen de mesures pour le problème des esclaves sexuels au service de l'ancienne armée japonaise et des victimes de réquisitions forcées a publié le 1er mars une communication qui dit notamment: près d'un siècle a passé depuis le massacre et la répression barbare de plus de 100 000 Coréens engagés dans les manifestations pacifiques en réclamant l'indépendance de la Corée. Mais la nature militariste et impérialiste du Japon n'a rien changé, leurs crimes commis contre l'humanité n'étant pas encore été condamnés par l'histoire. Il y a quelques jours, le secrétaire général du cabinet ministériel japonais a renié le caractère coercitif du recrutement des esclaves sexuels. Les autorités japonaises ont inséré ouvertement dans les manuels d'école l'île de Dog de la Corée comme celle japonaise. Le tribunal, se prétendant protecteur de la Constitution, a violé sans hésitation les droits des élèves coréens au Japon à l'éducation nationale. Voir, le Japon demande obstinément de supprimer les statuts de filles esclaves sexuelles au service de l'ancienne armée nippone mise sur pied dans le territoire coréen. En plus, ce pays n'hésite pas à parler de l'attaque préventive des bases de missiles de la Corée du Nord. Les faits démontrent que le Japon, loin de se repentir de ses crimes d'agression et ceux commis contre l'humanité dans le passé, est en proie à l'ambition militariste et de vengeance plus horrible que le siècle dernier et hâte les préparatifs de réagression. Si l'on ne tire pas de leçons des erreurs du passé, on commettra de plus grandes fautes dont les conséquences sont naturellement plus catastrophiques. Nous réglerons compte jusqu'à la fin pour tous les malheurs, souffrances et pertes imposés par le Japon à notre pays et à notre peuple de siècle en siècle et lutterons fermement jusqu'à leur règlement historique.